Bonjour à tous. Il y a plusieurs que je n'ai pas vus ce matin. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez envie de bien manger. Un tout petit détail, j'envoie habituellement des mails aux gens de l'église pour les informer des préparations par rapport au message, tout ça. Si quelqu'un ne les reçoit pas, faites-moi signe à la fin, dites-leur j'aimerais bien recevoir les mails, comme ça je suis au courant. Je vous rajouterai simplement la liste, hein. C'est un tout petit détail en passant. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous commençons aujourd'hui une série. Alors c'est un peu rapide, il n'y a pas eu énormément d'informations, donc c'est pour ça que je vais vous le rappeler. On aura 5 dimanches successifs qui vont se suivre. Ce sera des chapitres d'un livre de la Bible, c'est le livre de Colossiens, donc la lettre de Paul à l'église de Colosse. Et on commence avec le premier chapitre aujourd'hui. Alors peut-être vous posez la question, mais pourquoi est-ce que nous commençons l'épître de Colosse et pas notre épître? C'est très facile. Comme chaque année, vous le savez sûrement, il y existe un concours biblique qui a lieu près de Châlons en Champagne, dans le petit village de Lépine. Ça fait des années qu'on est en compétition avec une dizaine d'équipes. D'ailleurs, il y a plusieurs coupes là-bas que vous voyez, qui sont des trophées, des victoires ou des semi-victoires. Donc il s'agit d'apprendre par cœur pour des jeunes entre, je sais pas, 10 et 22 ans, des chapitres entiers de la Bible, et ensuite, il y a une compétition pour celui qui saura répondre aux questions. Alors, cette année, c'est facile, cette année, c'est l'épître de, donc la lettre de Colossiens, suivie, puisqu'il y a 4 chapitres, il y a toujours 5 compétiteurs, donc Colossiens a 4 chapitres, donc ils ont rajouté à cette épître de Colossiens la petite épître de Jude. Un peu bizarre comme épître, mais on va aussi la regarder dans 5 semaines. D'accord? Donc, c'est la première fois qu'on fait ça pour aider nos jeunes, puis pour nous aider nous aussi à les accompagner. Parce que quand les jeunes viennent, ils disent, mais ça veut dire quoi ça? On dit, oh, je sais pas, c'est pas bien. Parce que eux là-bas, ils auront la question, puis ils diront, je sais pas, puis on n'aura pas la coupe, c'est dommage. Hein. Donc, on va essayer pendant les 5 semaines qui viennent de découvrir c'est quoi cette épître de Paul à Colosse. Et c'est quoi cette petite épître de Jude? Alors, on commence aujourd'hui avec le chapitre 1. D'accord? Ah, ici. Tiens, Benoît, peut-être tu peux bien donner ça. J'ai quand même imprimé la version officielle du texte du concours biblique. Pour ceux qui n'auraient pas de Bible. C'est aussi, je l'ai imprimé sur une grande feuille, comme ça vous pouvez le plier en deux, et puis à côté mettre des notes si vous voulez, par rapport au texte d'aujourd'hui. Il n'y a que le chapitre 1 sur cette feuille. Voilà, c'est le rouleau original du manuscrit de l'apôtre Paul que j'ai photocopié. Alors, je vous rappelle rapidement, il y a quelques gens que je ne connais pas ici, donc je ne sais pas ce que vous savez. Je vous rappelle rapidement, en deux mots, que chaque dimanche, on étudie de près un livre. C'est ce livre-là, hein, vous le connaissez, c'est la Bible. Et que la Bible a 2 parties, Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais qu'à l'origine, quand le texte a été écrit, il n'a pas été écrit en français. Hein? Ça, c'est évident. Alors, pour l'Ancien Testament, la partie qui a été écrite avant l'arrivée de Jésus, le texte a été écrit en langue hébraïque ou araméenne, qui est apparentée. Et le Nouveau Testament, donc ce qui a été écrit du temps, plutôt après le départ de Jésus, ça a été écrit en langue grecque. Donc, ne soyez pas surpris, quand on étudie un texte, comme le texte qu'on va étudier aujourd'hui, on fait référence à l'original. Ou alors, ce qu'on fait aussi, et je le fais constamment, on fait référence à d'autres traductions. Parce que vous avez peut-être dans les mains une traduction, mais ce n'est qu'une traduction du texte original. Donc, des fois, on dit, ah, il y a une autre version qui dit ça, une autre traduction qui dit ça. Ça nous permet de comprendre un peu mieux ce que l'auteur, à l'origine, avait voulu dire quand il a écrit ce qu'il a écrit. C'est toujours le problème de la traduction. Nous travaillons dans l'édition. Quand quelqu'un écrit en anglais ou en allemand ou en finlandais, il faut traduire ça en français. On dit toujours, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pour être sûr que quand je le mets en français, ce qui est là est fidèle à ce qu'il avait prévu au départ. Voilà, c'est une introduction importante. Hein? Alors, chapitre 1 de la lettre de Paul à Colosse. Premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Alors, Paul écrit, c'est clair, un courrier aux chrétiens de l'église de Colosse. En fait, pour information, trois lettres sont écrites simultanément. Une est écrite à l'église de Colosse, une à l'église d'Éphèse. Éphèse est située à environ à 180 km à l'ouest de Colosse. Et puis, une lettre qui est écrite à un bonhomme en particulier, à un monsieur qui s'appelait Philémon. D'accord ? Et Philémon était un membre de l'église de Colosse. Donc, ces trois lettres ont été écrites en même temps et sont envoyées en même temps par un porteur. Ces trois lettres font partie de ce groupe qu'on appelle les épîtres de la captivité ou les lettres de prison. Paul est en prison à ce moment-là quand il écrit quatre lettres. Donc il écrit Colosse, il écrit Éphésien, donc Colossiens, Éphésien, la lettre Philémon et une quatrième lettre de la captivité, c'est Philippiens. D'accord ? Donc quatre lettres sont écrites de prison. Alors Paul est en prison, on ne sait pas où exactement. C'est clair qu'il est en prison, on le retrouve dans ses lettres, il en parle. Mais il est soit à Rome, soit à Éphèse. On n'est pas sûr. Beaucoup de gens poussent vers Rome, d'autres disent c'est plutôt Éphèse. C'est pas si important. En tout cas, il est en prison. On se trouve à environ à 60, en 60 après Jésus-Christ. Donc ça fait une trentaine d'années que Jésus est mort. Donc c'est intéressant de se mettre ça dans la tête aussi. C'est comme si donc Paul écrivait aujourd'hui à ici à Phénie, et puis il disait, vous vous rappelez de Jésus, le gars qui marchait parmi nous quand toi, Philippe, t'avais 20 ans. Bon, ouais, effectivement, je me rappellerai très bien, 20 ans, je me souviens bien de ce qui s'est passé à 20 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ce n'est pas si loin en arrière, quand il parle de Jésus, ce n'est pas comme s'il disait, il y a 300 ans, Jésus était passé. Il vient de partir, il vient de mourir, hein, ce gars-là. Alors, Colosse, à l'époque de Paul, c'est une petite ville, une petite bourgade. Elle avait eu son temps de gloire, mais c'était avant Jésus-Christ. Là, il reste un tout petit, un gros village. À côté de deux autres bourgades qui sont mentionnées dans l'épître de Colosse, c'est Hiérapolis et Laodicée. Alors Laodicée, on la connaît un peu mieux parce qu'on retrouve Laodicée dans Apocalypse, hein, d'accord ? C'est une ville qu'on connaît et qui vivent. Bon, c'était pas très loin de Colosse. Alors Paul n'a pas fondé l'église de Colosse. C'est clair. Il parle qu'il a été informé de la foi de l'église de Colosse, mais on pense que probablement c'est soit Épaphras. Épaphras, on en parle dans Colossiens, soit Timothée, qui aurait été à Colosse évangélisé pendant que Paul était à Éphèse. Alors, pourquoi ce courrier ? Est-ce que c'est juste un petit coucou ? Comme moi, des fois, j'envoie un email, « Ah, coucou, comment ça va ?» Ou est-ce qu'il y avait une raison à ce courrier ? Comme c'est souvent le cas dans les lettres de Paul, il y a une raison. Et là, très vite, vous allez vous rendre compte que la raison, c'est qu'il y a un problème d'hérésie. Hérésie, c'est quoi ? C'est une déviance, parfois, par rapport à la doctrine, à la saine doctrine. Il y a eu quelque chose. Donc c'est une bonne église. Ils avancent bien. Mais il a appris de par Épaphras. Épaphras est venu le voir. Apparemment, ce qu'on pense s'est passé, c'est que Épaphras était le responsable sûrement de l'église de Colosse. Et puis il a eu un problème de déviation de doctrine. Il ne savait pas comment répondre, il ne savait pas comment faire face. Et il est parti dans la prison, rendre visite à Paul, pour dire, qu'est-ce que je fais ? Et alors Paul a écrit ce courrier, chers amis, j'aimerais vous dire ça, ça, ça et ça. Petite parenthèse, est-ce que vous pensez que nous sommes aujourd'hui, nous, ici à Phénie, à l'abri de l'hérésie, de la fausse doctrine ? Certainement pas. Donc cette lettre, c'est évidemment pour nous aussi. Parfois, il faut nous recadrer. Parfois, on fait des mauvais choix, on prend des mauvais chemins de côté, et puis on gâche des années, on gâche des moments de notre vie, simplement parce qu'on n'est pas en phase avec ce que Dieu voudrait nous dire. Donc une épître importante, une lettre importante. Verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Alors ça se retrouve souvent dans les lettres aussi de Paul. Paul prie pour les gens qu'il a à cœur. Alors il dit, nous rendons grâce. Donc ça, en français courant, c'est quoi ? C'est nous remercions. D'accord ? Nous exprimons notre reconnaissance. Peut-être que dans vos traductions, vous avez l'expression nous exprimons notre reconnaissance. Nous rendons grâce à Dieu et nous cessons de prier. On va revenir sur la prière un peu plus tard de Paul. Nous prions parce que nous avons été informés, par Épaphras, de quoi ? Un, de votre foi en Dieu, d'accord, verticale, de votre amour horizontal pour tous les saints. Et pourquoi ? À cause de Et là, il y a un terme qui va être important, qui va revenir sans arrêt dans cette lettre. L'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Ça, c'est une très belle expression. À mon avis, cette expression, elle ne nous est pas nouvelle, hein, puisqu'on en a parlé en long, en large et en travers, même le dimanche passé, quand on a conclu la lettre de Pierre. Dans Pierre, Pierre parle beaucoup de l'espérance, vous vous rappelez, hein? Je vous lis juste un verset, 1 Pierre 1, 21. « Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » 1 Pierre 3,15 « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance. Hein? » L'espérance qui est en vous. Pourquoi tu as une espérance comme ça? Parce que quelqu'un te demande pourquoi, ben, tu dois être prêt à répondre. Voilà pourquoi. On dit couramment, hein, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. C'est vrai que sans espoir, les gens ne trouvent plus de raison de vivre. Et alors tout le monde, donc, en conséquence, cherche une source d'espérance. Tout le monde cherche à trouver une espérance. J'espère que mon mariage va tenir. J'espère que mon boulot va subvenir à mes besoins financiers. J'espère que ce que j'ai mis de côté pour la retraite suffira pour me laisser vivre correctement. J'espère, on espère. La Bible parle beaucoup de l'espérance. Il y a des passages vraiment super sur l'espérance. Je vous en lis un autre, là, celui-là, il est génial. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, c'est une belle expression, hein, une ancre de l'âme, sûre et solide. Et j'ai, dans un monde où tout bouge, hein, où je ne suis pas sûr de grand-chose, je ne suis pas... Lui dit là, votre espérance, c'est comme une ancre qui s'accroche, elle est sûre, elle est solide. Une espérance qui, bien sûr, qui est fondée, qui est accrochée sur Dieu, sur les paroles de Dieu, sur les promesses de Dieu, une espérance qui est confortée par un événement, Pierre l'a dit, un événement conforte ton espérance en Dieu, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul, ailleurs, dans 1 Corinthiens, va dire que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors ton espérance est du bidon, c'est du pipeau. Ça ne sert à rien du tout. Tu peux dire, j'ai une espérance. Si Christ n'était pas ressuscité, c'est du pipeau. Parce que tout ce que nous croyons de Dieu a été confirmé par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. C'est ce qu'il dit. Hein. Si Christ n'est pas ressuscité, donc c'est dans 1 Corinthiens 15, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, dit Paul, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et c'est vrai. Alors sur quoi sont basés tes espoirs pour cette vie, cette courte vie? Sur quoi? Réfléchis un moment. Mon espoir, mon espérance, c'est sur quoi? C'est tes calculs, tes prévisions, tes capacités intellectuelles, ton charme. Certains en ont, certains en ont plus ou moins. Paul rappelle à ces chrétiens de Colosse que leur espérance, la vraie, la seule espérance qui soit, provient de l'Évangile. L'Évangile. À cause, verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, virgule, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. J'aime bien cette apposition. L'Évangile égale parole de vérité. C'est quoi la vérité de l'Évangile? L'Évangile est au cœur de l'épître, cette lettre de Paul à l'église de Colosse. C'est quoi la vérité de l'Évangile? En deux mots, ce qui compte pour toi et pour moi pendant ton court séjour sur la terre, c'est de savoir qui Dieu est, ce qu'il a fait et ce qu'il attend de toi. Ça, c'est ce qui compte vraiment. Mon espérance vivante est fondée sur le fait que ce qui dure, ce qui a de la valeur, ce n'est rien de ce que je peux trouver sur la terre. Quand tu rentres dans la vie nouvelle que Dieu t'offre, alors tu connais, tu découvres l'espérance vivante. Alors tu t'attaches à ce que Dieu tient en réserve pour toi dans les cieux, comme le verset 5 le dit. Et Pierre disait exactement la même chose, on vient de l'étudier, donc c'est pour ça que je pioche dans 1 Pierre régulièrement, parce que ça vous dira quelque chose probablement. 1 Pierre 1, verset 3 et 4, Donc, pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous, pour vous, dans les cieux. Hein, c'est cette idée que c'est pas sur la terre, c'est là-bas que notre espérance est ancrée. Est-ce que tu connais cette parole de vérité, l'Évangile ? La vérité sur toi, sur d'où tu viens, qui tu es, où tu vas, qu'est-ce qui a de la valeur dans ce monde ? Qu'est-ce qui n'en a pas ? La vérité sur ou les mensonges qu'on t'a gentiment fait avaler. Écoute comment Paul présente l'Évangile dans une autre de ses lettres. Dans Romains 1, 18 à 25, Paul parle aussi de l'Évangile ici. Voilà ce qu'il en dit. Verset 18. « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité de l'Évangile. » En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont aucune excuse. Dieu s'est fait connaître. L'Évangile que Dieu nous a apporté, c'est aussi ça. Si on t'a fait croire un jour qu'il n'y avait personne à l'origine de ce monde, que tu es là par pur hasard, c'est du pipeau. Mais si on t'a fait croire qu'il y avait quelque part quelqu'un là-haut, mais que ça ne pouvait être qu'un brave vieillard barbu qui t'accorderait grâce et pardon dès que tu franchiras la porte de son royaume, ça aussi c'est du pipeau. On t'a menti. L'Évangile parle clairement d'un Dieu en colère parce que ce qu'il a fait connaître de lui n'a pas été accepté par les hommes comme il le fallait. Depuis la création du monde, dit Paul, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient clairement si on y réfléchit. Mais l'homme n'a pas voulu connaître Dieu. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et Dieu qualifie de folie cette capacité de l'homme de vivre indépendamment de Dieu, en tout cas cette volonté de l'homme de vivre indépendamment de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai cette espérance aujourd'hui, comme les gens de Colosse l'avaient reçue par l'Évangile ? Je sais que ce qui compte vraiment sur la terre, c'est de s'assurer que je suis prêt à rentrer dans la vie qui va commencer le moment où je donne mon dernier souffle sur la terre ici. À cause de l'espérance qui est en vous, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a fait connaître. L'Évangile est au cœur de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes. C'est l'essentiel. Pour information, nous avons prévu prendre deux dimanches, début décembre, si je me rappelle bien, sur le programme, où nous essaierons en deux dimanches de couvrir ou de redécouvrir ce que c'est que l'Évangile. Alors voilà, ça c'est pour vous donner un petit aperçu du programme du trimestre en cours. Je continue. Verset 6. Il est au milieu de vous. Il parle de quoi ici ? Pour ceux qui vont faire le concours. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. L'Évangile. Il porte des fruits, l'Évangile. Et il s'accroît, comme si aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, Épaphras, effectivement, aurait été celui qui leur a apporté l'Évangile la première fois. Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. L'Évangile, une puissance, la puissance de Dieu pour le monde entier. Il est au milieu de l'Évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Entendre et connaître. Ils ont entendu, verset 6, à la fin du verset 6, entendu et ils ont connu la grâce de Dieu. C'est aussi l'Évangile. La bonté, la faveur imméritée de Dieu envers l'homme. Voilà ce que Épaphras est venu leur apporter comme Évangile. Jésus est arrivé. Dieu s'est penché vers vous et vous a accordé la grâce. Et puis, quand ils ont entendu et reçu cet évangile, le vrai, le seul évangile, alors cet évangile a porté des fruits parmi eux. il s'est répandu, il s'est accru, agrandi. C'est ce que l'Évangile veut et peut faire. Je continue rapidement. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et comme au verset 3, nous avons aussi cette expression de Paul qui dit « Je ne cesse de prier pour vous, je prie pour vous. » Priez les uns pour les autres. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait régulièrement? Est-ce que vous le faites? Est-ce que moi je le fais? Est-ce que je prie pour vous? Avec persévérance. Je crois qu'on doit faire des efforts. On doit se prendre du temps dans les groupes de croissance, dans les cellules, dans la maison, dans l'église, pour prier les uns pour les autres. Mais prier pourquoi? Pourquoi je prie les uns pour les autres? Bien sûr, on peut prier pour que Dieu protège Julien sur la route de l'école, pour qu'il lui permette de réussir son permis de conduire ou son bac, ou qu'il trouve un bon petit boulot, prier pour les bobos du petit. On peut prier pour toutes ces petites choses de la vie, bien sûr. Malheureusement, on prie bien souvent pratiquement que pour ça, pour les choses, pour les besoins matériels. Paul, dans ses prières, dans les prières de toutes ses lettres, lui, il prie toujours uniquement pour les besoins spirituels des gens à qui il écrit. Et ces besoins spirituels sont bien plus importants que les besoins physiques. Alors voilà, voilà la prière de Paul pour les gens de Colosse. Je ne sais pas si vous allez vous y retrouver dans sa prière, je la lis. Fin du verset 9. Donc nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Ça ressemble à vos prières, ça? Pas aux miennes, hein? Pas aux miennes. On pourrait facilement imaginer que l'on prie comme ça. C'est une belle prière. Je reprends la prière comme si je priais pour vous. Et je devrais le faire. Seigneur, je te prie pour mes amis à Phénie, qu'ils puissent connaître et comprendre toujours mieux ta volonté. Que le Saint-Esprit leur accorde la sagesse et le discernement spirituel afin de quoi ? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui compte vraiment? Marcher d'une manière digne de toi. Que leur conduite fasse toujours honneur à ton nom. Qu'il te soit entièrement agréable en portant beaucoup de fruits et en accomplissant toutes sortes de bonnes œuvres. Je te prie, Seigneur, de les fortifier par ta puissance admirable et illimitée, afin qu'ils soient toujours endurants et patients, toujours remplis de ta joie, toujours reconnaissants. Une belle prière, hein? Si on pouvait la prier les uns pour les autres comme ça, chaque jour se lever, avant d'aller au boulot, prier pour soi, pour les autres. Dieu, je te prie de m'aider aujourd'hui à marcher d'une manière digne de toi. C'est concret, hein? C'est pratique. À marcher d'une manière digne de toi et à t'être aujourd'hui entièrement agréable dans tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je suis. Toujours persévérant, toujours joyeux, toujours patient. C'est vraiment pratique, hein? C'est à ras des pâquerettes. C'est vraiment pour nous tous, mais on a du mal à le faire. Alors la prochaine fois que vous êtes en train de prier chez vous pendant un petit moment, je vais prier parce que, oui c'est vrai, ma voiture elle est en train de se casser. Seigneur, aide-moi. Ouais, d'accord, on peut prier pour sa voiture, on peut prier pour la santé. Mais priez pour ça aussi. Priez, Seigneur, je te prie pour un tel et un tel dans l'Église. Aide-le aujourd'hui à vivre d'une manière qui te soit entièrement agréable. Ça, c'est une prière. Je crois que c'est une prière que Dieu exauce. Le temps passe vite, on continue. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est quoi les saints? Ceux qui vont faire le concours. Ceux qui saints, c'est un terme, oui, c'est un terme que Paul utilise constamment pour parler des chrétiens à qui il s'adresse. Hein. Les saints, on peut dire des saints qui vivent, qui marchent dans la lumière. Ceux qui vivent, c'est vous et moi, si nous marchons dans la lumière, alors nous sommes, pour Dieu, des saints qui marchons dans la lumière. Alors, là, il y a un rappel vraiment essentiel. Il y a beaucoup de rappels essentiels dans cette lettre, d'ailleurs. Ce n'est pas mes bonnes actions, ce ne seront jamais mes bonnes actions qui décideront de mon salut. Cet héritage, hein, ce cadeau que Dieu nous fait, et qui nous réserve dans ce qui va venir ici, je ne l'ai pas gagné, et je ne le gagnerai jamais. Pourquoi ? Qu'est-ce que dit ce texte, verset 12 ? Soyez reconnaissants envers Dieu qui, lui, nous a rendus capables. Très important. C'est Dieu qui nous a rendus capables, ou c'est lui qui nous a rendus aptes. Dans le texte de Parole vivante, il est dit, nous a accordé le privilège de. Si on t'accorde le privilège, c'est un cadeau. Tu n'as rien fait pour ça. Ça, c'est aussi l'Évangile. L'Évangile, comme je dis tout à l'heure, de Romains 1, c'est un Dieu en colère avec l'homme qui, dans sa folie, ne reconnaît pas Dieu comme Dieu. Ça, c'est l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est aussi un Dieu qui prend l'initiative de se pencher vers ce peuple rebelle et au cœur insensible pour le rendre capable. Ça, c'est l'Évangile. Soyez reconnaissants envers ce Dieu qui vous a rendu capable, apte, qui vous a accordé le privilège d'avoir part. Dieu, il a agi. Verset 13, je continue. Dieu, il a agi. Et il a fait deux choses. Regardez, 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transformés, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, deux choses, deux actions parallèles. Dieu a délivré et il a transporté. Alors, je regarde un peu dans l'original pour savoir qu'est-ce qu'il a ici dit exactement, l'apôtre Paul. Délivré de la puissance des ténèbres. Puissance, c'est l'autorité, c'est exousia dans le grec. L'autorité, le gouvernement, la juridiction. Donc, il nous a délivré de la juridiction, du gouvernement des ténèbres, c'est une chose, pour nous transporter dans la juridiction, dans le royaume, hein, parce que le royaume, c'est quoi ? Ben, c'est le territoire soumis à une autorité, hein, donc dans la juridiction de son Fils. C'est beau, ça, hein ? C'est ce que Dieu a fait. Il nous a appelés, il nous a rendus aptes, il nous a pris, il nous a arrachés et transportés dans le royaume de son Fils. Sous quelle autorité tu vis aujourd'hui ? Paul est clair. Il y a deux juridictions, deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de son Fils bien-aimé. Avec cette phrase et la phrase qui suit dans cette lettre, nous rentrons au cœur de l'Évangile. Je continue. Verset 14, je reprends la fin de verset 13. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons, en qui, en son Fils, en Jésus, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors je m'arrête ici un petit moment parce que c'est vraiment le cœur de l'Évangile ici. Au cœur de l'Évangile, il y a évidemment une action imméritée, pure grâce, la rédemption. C'est quoi la rédemption ? Peut-être dans vos Bibles, vous avez d'autres expressions pour ce terme qui est un terme un peu technique. La rédemption, c'est le rachat. D'accord ? J'ai racheté, j'ai repris le rachat. Et grâce à la rédemption, je connais le pardon des péchés. Quand je regarde les textes originaux, rédemption, donc comme j'ai dit, c'est le rachat, c'est aussi la délivrance, c'est la libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Ça, c'est la rédemption. Le pardon des péchés, le terme pardon, aphésis, c'est la rémission. Libre, liberté, trouver la liberté. L'oubli des péchés. considéré comme n'ayant jamais été commis. C'est la rémission des peines. J'ai été racheté, on m'a remis ma peine. Rédemption et pardon. Jésus, vous vous rappelez, à un moment de sa vie, il est parti à Nazareth, il est rentré dans la synagogue, il a pris le rouleau du prophète Ésaïe et il a lu. Il a lu quoi ? Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, le pardon. » Le même terme, aphésis, le pardon. Annuler la dette. Hein? Rémission des peines. Voilà, c'est ce qu'il dit. Pour annoncer aux captifs la rémission de la peine. Tu n'as plus à être captif. Ta peine a été annulée. Qui a payé quoi à qui pour racheter? Les exigences de la loi de Dieu étaient telles que vous méritez, je méritais la mort. C'est très clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a payé. Et il est mort à ta place, il est mort à ma place. La rançon a été versée. Donc j'ai droit au pardon. J'ai droit à avoir une dette effacée. J'ai droit de recevoir un casier judiciaire vierge. Comme si je n'avais jamais péché de ma vie. Ça, c'est fantastique. C'est le cœur de l'Évangile. Quelqu'un a payé la rançon pour que j'obtienne la liberté. Et alors, suite à ce verset 14, en qui nous avons la rédemption, le pardon du péché, commence une série de versets qui, dans vos Bibles, sont parfois un peu écrits différemment. On dirait que c'est un poème. C'est souvent écrit différemment parce qu'on estime que c'est peut-être un chant de l'Église primitive. Donc, verset 15 au verset 19 ou 20, ça dépend comment les gens le voient. Et je pense qu'on pourrait dire que c'est le cœur de cette lettre à Colossiens. Je vous lis quelques versets. Voilà ce que dit Paul. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est, donc le Fils, Jésus, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Verset 19, « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » On pourrait passer, je crois, 3 heures là-dessus. C'est un passage très fort où il recentre Jésus-Christ. Et en général, ce qu'on pense, c'est que, comme je l'ai dit au début de ce message, les Colossiens avaient dérapé. Et Jésus n'avait plus la place centrale dans leur théologie. Il y avait des hérétiques qui étaient passés chez eux. Et comme c'était l'habitude dans ces temps-là, il y avait pas mal d'hérésies qui apportaient différents éléments spirituels à leur théologie, y compris des êtres spéciaux, des anges, des autorités particulières. Et Jésus, il était quelque part bouleversé dans sa place parmi eux. Qu'est-ce que fait Paul? Il remet Jésus à sa place. Et c'est pour ça qu'on a un développement comme ça aussi fort, en disant, attends, je vous annonçais Jésus, par Epaphras, mais Jésus, c'est pas celui que vous dites qu'il est maintenant. Voilà Jésus. En lui ont été créées toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il a créé toutes choses. Et tout le reste est en dessous. Très, très fort. Si quelqu'un essaye d'ajouter quelque chose à Jésus, il soustrait automatiquement à la puissance que Jésus seul peut nous offrir pour marcher fidèlement à sa suite. Jésus doit rester le cœur, le centre de nos préoccupations dans notre cheminement spirituel, dans notre vie de l'Église. Un petit détail. Il y aura sûrement une question sur ça au concours. C'est une source de division dans l'histoire de l'Église. Jésus, le Fils, est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Représentation physique d'un Dieu qu'on ne peut pas voir. D'accord. Le premier-né de toute la création. Premier-né. Donc il aurait été créé Jésus? Qu'est-ce qu'on croit? Jésus a été créé? Non. Premier-né de la création, ça voudrait dire quoi? Position, oui. C'est important de savoir ce que Paul veut dire par premier-né. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, on se rend compte que le titre, l'expression premier-né, est un titre d'autorité. Salomon, par exemple, n'était pas le premier-né dans la famille de David, hein, c'était pas le premier fils. Et pourtant, dans Psaume 89, voilà ce qu'il a dit de Salomon, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Ça veut dire quoi? Il va changer l'ordre dans la famille? Non. Le premier-né, c'est le top, le meilleur, le plus important, celui qui est au-dessus de tout le reste. Jésus n'a pas été créé, il est Dieu éternel, mais avec cette expression, il est le premier-né de la création, il est au-dessus de la création, il était à la source, à l'origine de tout ce qui est là. Il est aussi le chef de l'Église, le seul chef de l'Église qui soit. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Si quelqu'un vous propose une autre tête, non, ce n'est pas possible, déjà une tête. La seule tête qui existe, c'est Jésus. Je saute rapidement ce passage, le temps passe très vite. Je vais au verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier. Donc Dieu a voulu par Jésus tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Encore un verset énorme, lourd, profond de signification. La réconciliation est aussi le cœur, au cœur de l'Évangile. Réconciliation, revenir à l'état d'harmonie. La Bible parle dans le Nouveau Testament constamment de cette réconciliation. Je vous lis un verset de 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et Paul dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation. Si je disais à quelqu'un, si je disais à Benoît par exemple, Benoît, il faut que je me réconcilie dans la rue, en dehors de l'église, il me dirait quoi? Avec qui? Je dirais, avec M. Sébahi. Il dirait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu parles à ton voisin, tu parles à ta famille, tu parles à tes copains à l'école. Il leur dit, vous devez être réconciliés. Avec qui? Avec Dieu. C'est qui? Ils ne connaissent pas Dieu. Là, lui, il connaît Sébahi, mais ils ne connaissent pas Dieu. Alors, il faut expliquer qui est Dieu. Et s'ils connaissent Dieu, ils diront, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis en bisbis avec Dieu? Il faut leur expliquer. Ils ont besoin de savoir qu'il y a une situation qui est anormale entre le Créateur et sa créature. Et notre objectif, notre raison d'être en tant que chrétien, c'est d'annoncer au monde, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre responsabilité. Dieu est en colère avec sa créature. Parce que l'homme a voulu vivre, il veut vivre indépendamment de Dieu. Il se crée ses propres idoles. Pendant des centaines d'années, Dieu a mis en place un système par lequel l'homme pouvait s'approcher de Dieu, ce Dieu en colère. C'était le système de quoi? Des sacrifices, où le sang était versé. Le sang des brebis était versé constamment. Il fallait venir tuer les bêtes, mettre du sang, pour dire, je veux me réconcilier avec Dieu. Jusqu'au jour où quoi? Jusqu'au jour où Jean, ce fameux Jean le baptiseur, vous vous rappelez, a crié. Il était en Palestine, il a vu quelqu'un arriver là-bas dans la foule, et il a crié, « Eh, regardez, voici le mouton de Dieu, voici la brebis de Dieu, celui qui pardonne le péché du monde. » Dieu avait envoyé dans le monde, en fin d'histoire, celui qu'on attendait, la brebis de Dieu. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. De quoi tu parles? C'était pourtant très clair pour Jésus. Il était l'agent de réconciliation envoyé par Dieu pour mettre en place une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme révolté. Vous vous rappelez, dernier repas de Jésus avec ses 12 disciples, Matthieu 6, Jésus prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Une image de mon sang, une illustration de mon sang. Le sang quoi ? De l'alliance, la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme révolté. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. C'est ce que Paul rappelle ici dans ce verset 20. Dieu a voulu tout réconcilier par Jésus avec lui-même. Grâce à Dieu, c'est possible. La paix avec Dieu, dit Paul, c'est possible uniquement à cause du sang de la croix de Jésus. Et Paul de préciser, verset 21, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. » Ça, c'est aussi qui était très présent dans le livre de dans la lettre de 1 Pierre, vous vous rappelez, autrefois, aujourd'hui, autrefois, aujourd'hui. Alors là, il dit, autrefois, vous étiez quoi ? Étranger. Le terme, ça veut dire être privé d'une amitié, aliéné, sans famille, étranger et ennemi. Ennemi, ça veut dire odieux, hostile, haïssable. Voilà. Alors vous étiez tout ça. Vous étiez sans famille, vous étiez aliéné, hostile, haïssable. Mais maintenant, vous êtes quoi ? Réconcilié. Oh là là là là, vous êtes réconcilié d'ennemis de Dieu. Vous êtes devenus, grâce à la mort de Jésus, des amis de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai du mal à me rendre compte. Jésus parle à ses disciples et leur dit quoi ? Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Devenir l'ami de Dieu. L'ami du Dieu créateur des millions et des milliards de galaxies. Je ne comprends pas. L'ami de Dieu. Je vous ai appelé mes amis. Inconcevable. En tout cas, pour moi, c'est inconcevable. Et pourtant, c'est possible, c'est vrai, par la mort de Jésus sur la croix. Alors, réconcilier, pourquoi ? Juste pour, bon, je suis réconcilié. Mais non, Paul continue, verset 22. Maintenant, il vous a réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Pour vous faire paraître irréprochable. Le but de la réconciliation, ce n'est pas juste le ticket pour le ciel. Voilà, j'ai été réconcilié, ah cool, j'ai un ticket pour le paradis, pas de problème, le gars va m'accepter là-bas parce que j'ai mon ticket. Non, non, non, non. Réconcilié pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable. L'Évangile, ce n'est pas un pétard mouillé. L'Évangile, c'est de la puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme dit Paul. Vous étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos actions, verset 20, 21 le dit, mais maintenant, vous avez été transformés par l'Évangile. Est-ce que l'Évangile, cet Évangile-là, est à l'œuvre dans ta vie pour te transformer ? Réconcilié pour paraître devant lui. Et puis là, il y a un verset qui suit, verset 23, ce type de verset qui nous gêne, qui nous embête, parce qu'il commence par un « si ». « Si » et seulement « si ». Et on n'aime pas les « si ». Dans Parole vivante, ce verset commence par l'expression « à une condition toutefois ». À une condition toutefois. Paul dit, verset 23, « si du moins... vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Si vous avez été réconcilié par sa mort, si vous demeurez. Pour moi, c'est un avertissement solennel. Demeurer inébranlable, fondé et inébranlable dans la foi. Vous vous rappelez dimanche passé, on a regardé ce terme, inébranlable, ensemble. Parce que c'est le même terme qu'on trouve dans 1 Pierre 5, 10, ce verset qui conclut l'épître de Pierre. 5.10 dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Voilà le même terme, exactement pareil. Et je vous rappelais, dimanche passé, je vous ai lu un autre passage qui prend le même terme, Matthieu 7, 25. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, cette fameuse maison, hein, le fou sur le sable, ah, bâti, cette maison-là. Hein, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée. » C'est le même terme. Elle était inébranlable sur le roc. Est-ce que tu construis, non seulement est-ce que tu as commencé à construire, est-ce que tu continues à construire ta vie sur le roc inébranlable de l'Évangile de Jésus? Si vous restez, et seulement si vous restez sur ce roc, alors vous serez en mesure de vivre cette réconciliation avec Dieu. J'avance rapidement et je vais conclure. Il y a un dernier passage ici qui commence au verset 24. Rapidement, je me réjouis, verset 24, dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors très rapidement, je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Paul effectivement souffre à cause de vous, les gens de Colosse. Pourquoi ? Parce que ce sont des païens, entre guillemets, des non-juifs. À Colosse, ce sont des non-juifs. Hein. Et vous savez pourquoi il est en prison, Paul ? Parce que dans son discours à Jérusalem, il a dit que Dieu m'a appelé pour aller vers les païens. C'est dans Actes 22, verset 21. Il dit, alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les païens, vers les non-juifs. Et à ce moment-là, ah, toute la foule s'est levée de rage, c'était des juifs, en disant, hôte de la terre, un homme pareil, il n'est pas digne de vivre. Parce que les juifs ne voulaient pas que quelqu'un comme Paul puisse parler des païens. C'est parce que Paul a brandi courageusement le fait qu'il devait annoncer l'évangile aux païens qu'il était en prison à ce moment-là. Donc, mes souffrances pour vous, pour la cause de l'évangile des païens, et c'est pour ça qu'il en parle. Alors, après, il y a un verset qui suit qui est un peu problématique pour moi, en tout cas dans cette traduction. « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. » C'est un peu bizarre. Évidemment, les souffrances de Jésus sur la croix était complète pour notre salut. Je n'ai pas besoin de souffrance supplémentaire. Mais la traduction peut-être de Parole vivante peut nous aider à comprendre ce passage un peu mieux. Parole vivante dit « Je me réjouis de pouvoir ainsi, dans mes souffrances terrestres, qui sont aussi celles du Christ, accomplir ce qui reste à faire pour le douloureux enfantement de l'Église, son corps. » C'est clair que les souffrances font partie, on l'a vu en long, en large, en travers, dans 1 Pierre, font partie du programme de Dieu pour son peuple, il n'y a pas de problème, et que si je souffre, je peux souffrir, Christ souffre avec son Église, il n'y a pas de souci, et je peux souffrir avec persévérance parce que Dieu me soutient dans ma souffrance. On l'a vu dans 1 Pierre. Je saute rapidement, un petit mot sur le mystère du verset 26 et du verset 27. C'est vrai que les plans de Dieu étaient mystérieux. Vous vous rappelez dans 1 Pierre aussi, on en parle, 1 Pierre chapitre 1, verset 13, je crois. On dit, les prophètes dans le temps passé ont voulu savoir. Mais on leur a dit, non, ce n'est pas pour vous, c'est pour ceux qui viennent. C'était mystérieux comment Dieu avait prévu pendant des centaines d'années un programme de salut de ce peuple rebelle. Et en Jésus, brusquement on a vu, ah, c'était ça, le mystère. La richesse, le mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, vous les païens. C'est fou ça. Le juif qui vient, qui sauve le peuple de Dieu, mais aussi les païens. C'est lui, Jésus, que nous annonçons. Et alors là, je prends le dernier verset, je termine, versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alors, voilà le travail, annoncer, exhorter, avertir, instruire, afin de faire paraître tout homme devant Dieu, parfait, le terme parfait veut dire mature, mûr, adulte. les traductions ont dit à l'état d'homme adulte, pas juste des bébés, des enfants qui n'avancent pas. Et honnêtement, c'est notre souci en tant que responsable dans l'Église de vous exhorter, de vous avertir, de vous encourager à une vie en phase avec l'Évangile de Jésus. Une vie qui sera entièrement agréable à Dieu, comme Paul le disait précédemment. Une vie qui ne sera pas gaspillée. Une vie que vous ne regretterez jamais. Et Paul dit, verset 29, c'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors là, un super verset, on pourrait y passer une demi-heure, mais on va passer juste une minute là-dessus. Paul dit, donc, c'est à cela, hein, donc à annoncer, à exhorter, à instruire, à encourager, voilà, c'est à ça que je travaille. Travailler, c'est être fatigué. Il n'y a rien dans la Bible qui s'oppose à l'idée d'être fatigué. Hein. Paul dit, c'est à ça que je travaille, copio. Quand Jésus était sur le bord du puits, dans Jean 4, vous vous rappelez, c'était marqué, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, c'est exactement le même terme, copio, fatigué. Il avait travaillé, il avait marché, il était fatigué. Donc Paul dit, c'est à cela que je me fatigue. Et après il dit, en combattant avec sa force qui agit puissamment à moi. C'est à ça que je m'épuise, que je me fatigue, en combattant. Combattant, ça je vous l'ai déjà cité plusieurs fois ce terme-là. Dans le grec, c'est agonizomai. Alors on comprend très vite, agonizomai, agoniser, c'est s'efforcer, c'est lutter, c'est combattre. Jésus dit, en utilisant le même terme, agonizomai, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est pareil, agonizomai, efforcez-vous, faites tout, luttez, combattez. Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Pareil, agonizomai, lutte. Bats-toi. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une belle balade de santé, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est normal qu'il y ait des combats, des efforts, du travail, de la sueur, c'est normal. Mais, il y a beaucoup d'espoir, je ne suis pas livré à moi-même. Et c'est ce que Paul dit dans ce verset. C'est à quoi je me fatigue, je m'épuise en luttant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est drôle comment ça peut être côte à côte comme ça, mais c'est côte à côte comme ça. Hein. D'une part, évidemment, je m'épuise, je me fatigue, je combats, je lutte, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. Et ce n'est pas juste sa force qui agit puissamment en moi. Il dit, sa force, c'est energia, l'énergie. Hein. Donc l'énergie est dans la Bible. Energia, c'est toujours une force surhumaine. Ce n'est pas une force d'un homme. Donc l'énergie qui energeo, donc c'est l'énergie qui m'énergise puissamment. Et après, il rajoute un terme, dynamis, avec dynamite, avec. C'est comme s'il avait pris tous les termes les plus puissants au niveau de la force, du pétard. Et alors, c'est pour ça que la traduction de Parole Vivante est excellente. Je vous la lis pour finir. Donc, ce verset 29. Voilà pourquoi, tel un lutteur, je tends tout mon être et je travaille avec acharnement en me confiant dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. On va prier. Seigneur, merci pour cette lettre de Colossiens. Elle est remplie d'enseignements et de rappels. Je trouve que c'est un rappel fantastique du cœur de l'Évangile. Seigneur, elle nous a rappelé cela. Qu'au cœur de l'Évangile, il y a Dieu. C'est toi qui es à l'origine de la solution à notre problème de révolte contre toi. Tu avais raison, tu as raison d'être en colère contre l'homme, mais tu as apporté Jésus qui est mort, qui a coûté. Et maintenant, je peux être au bénéfice de cette réconciliation et je peux obtenir le pardon, Seigneur, c'est extraordinaire. Je peux devenir ton ami, toi le Dieu de l'univers. Merci d'avoir ainsi travaillé. Et je te prie que tu nous rappelles à l'ordre par cette lettre aux Colossiens pour nous faire rendre compte de notre vie. Seigneur, que nous ne gaspillons pas les années, l'énergie, les forces que tu nous donnes, mais que vraiment nous soyons conscients plus que jamais que ça t'a coûté et que maintenant je dois vivre en conséquence, que j'ai vraiment un désir chaque matin de vivre pour t'être entièrement agréable par tout ce que je fais, par tout ce que je suis, par tout ce que je dis. Fais ce travail dans nos cœurs, nous te prions, afin de vraiment vivre chaque jour ce que Paul dit, cette puissance qui agit en moi et que je puisse vraiment travailler avec force, avec acharnement, avec ta puissance. Je te prie au nom de Jésus. Amen.